18. Encore le cheminot sauveur. Pendant que M. d'Alban causait avec sa nièce, Dillois était arrivé à l'étang. Il dit à Mme d'Orvillet que c'était par ordre de M. d'Alban qu'il venait offrir ses services. Les deux petits le reçurent avec joie. « Qui est ce brave homme ? » demanda Juliette. « Anne, c'est le bon cheminot. » Juliette, « Quel cheminot ? Qu'est-ce que c'est qu'un cheminot ? » Laurent, « Un cheminot, c'est un homme qui travaille au chemin de fer. » Juliette, « Et pourquoi dis-tu bon cheminot ? Qu'est-ce qu'il a de si bon ? Anne, tu ne sais donc pas qu'il nous a sauvés de l'ours ? » Juliette, « Non, quel ours ? » Anne, « L'ours échappé qui voulait nous manger. » Juliette, « Ah, mon Dieu, raconte-moi cela, je ne sais rien, moi. » Anne, « Laurent va te raconter. Moi, je ne sais pas très bien. Raconte, Laurent. » Laurent, « Eh bien voilà, le cheminot était couché dans le bois où nous passions avec maman. » Juliette, « Quel bois ? Il y a donc des ours par ici ? » Laurent, « Je crois bien. Un ours énorme, avec une bouche énorme, des griffes énormes. Et le cheminot dit à maman, « Il y a un ours par ici, un ours échappé. » Juliette, « D'où était-il échappé ?» Laurent, « De sa cage où on le montrait. Et le cheminot dit qu'il va venir avec nous pour tuer l'ours. » Anne, « Qui voulait nous manger ?» Laurent, « Et voilà que nous allons. Nous avons bien peur, comme tu penses. » Anne, « Et maman aussi. » Laurent, « Laisse-moi parler, tu m'empêches. Et voilà l'ours qui hurle et qui arrive. Et le cheminot se jette devant nous, et l'ours se jette sur lui. Tu juges comme nous avions peur. » Anne, « Et maman aussi. » Laurent, « Mais tais-toi donc. Le cheminot n'a pas peur, il se jette sur l'ours et lui enfonce dans la bouche un petit bâton pointu qui entre dans sa langue et dans son palais. L'ours ne peut plus fermer la bouche. Il crie horriblement. Le cheminot lui jette une corde qui l'étrangle. L'ours donne des coups de griffe au bon cheminot qui le bat tant qu'il peut avec un autre bâton très gros. L'ours tombe et griffe toujours. Le cheminot le bat toujours. L'ours fait semblant d'être mort. Anne, il était mort tout de bon. Laurent, mais non, puisqu'il est encore vivant. Le cheminot lui met une chaîne, il tire tant qu'il peut, l'ours ne crie plus, ne bouge plus. Le cheminot lâche un peu la chaîne et lui attache les pattes avec la corde. L'ours grogne et bouge un peu, le cheminot le bat encore horriblement. Le pauvre cheminot est couvert de sang. Anne, les jambes seulement. Laurent, c'est bien assez, les jambes. Alors, nous pleurons. Anne, et maman aussi. Pas Félicie. Laurent, laisse-moi donc raconter. Anne, tu oublies toujours maman. Laurent, je ne l'oublie pas, j'aurais dit après. Anne, il vaut mieux dire tout de suite. Laurent, non, ça dérange. Alors maman lui attache nos mouchoirs autour des jambes. Juliette, à l'ours ? Laurent, non, au cheminot. Maman attache le mouchoir. Anne, pas celui de Félicie. Laurent, ça ne fait rien, laisse-moi parler. Puis maman nous prend par la main. Anne, pas Félicie. Laurent, mon Dieu, Anne, que tu es ennuyeuse. Félicie courait après nous. Et maman envoie Saint-Jean avec la carriole pour ramener l'ours et le pauvre cheminot tout en sang. Juliette, pourquoi n'a-t-on pas tué l'ours ? Laurent, parce que le maître avait promis 100 francs pour qu'on lui ramène son ours. Et le pauvre cheminot, qui est pauvre, voulait gagner 100 francs. Anne, et puis encore, tu oublies que le cheminot a sauvé mon oncle des méchants bédouins. Juliette, effrayée, comment ? Vous avez aussi des bédouins par ici ? Laurent, non, c'était en Algérie. Comment veux-tu, Anne, que je raconte tout à la fois ? Et puis, j'ai oublié l'histoire des bédouins. Je ne sais plus comment il l'a sauvé. Anne, « Eh bien, mon oncle le dira à Juliette. » Juliette, « C'est très effrayant tout cela. Le vilain ours, pauvre cheminot, je voudrais bien le voir. » Laurent, « Viens, il est là, avec Félicie. » Dillois était en effet près de Félicie, qui se tenait tout au bord de l'étang et qui se penchait en avant pour allonger sa ligne. Elle avait été contrariée de voir approcher le cheminot. Ses bons sentiments étaient déjà effacés. Elle avait repris son ancienne irritation contre lui. Quand Dillois lui dit « « Bonjour, mamselle, c'est votre oncle qui m'envoie pour vous aider. » Félicie ne lui répondit pas et le regarda de son air hautain. Dillois, « Prenez garde de tomber, mamselle. Vous êtes bien près du bord et vous êtes bien penchée en avant. » Félicie, « Je n'ai pas besoin qu'on me conseille, je sais pêcher. » Dillois, « Je ne me permets pas de vous donner des conseils, mademoiselle. Je vous préviens seulement du danger. » Félicie, « Il n'y a pas de danger et maman et ma bonne sont là pour venir à mon secours si j'en ai besoin. » Dillois, « Mais si vous tombez à l'eau, mademoiselle, ce ne serait pas votre maman ni votre bonne qui pourraient vous repêcher. L'eau est profonde à cet endroit. Il y a plus de 2 mètres. » Félicie, « Je vous prie de ne pas vous inquiéter de moi. Laissez-moi. Vous faites peur aux poissons avec votre grosse voix. » Dillois, « Qu'est-ce qui vous a donc retourné contre moi, mademoiselle ? Hier, vous étiez si gentille et si bonne. » Au moment où Félicie se tournait avec violence vers le pauvre cheminot, son pied glissa. Elle eut à peine le temps de pousser un cri terrible. « Dillois, au secours !» Et elle disparut au fond de l'étang. Dilois s'élança après elle, la rattrapa dans ses bras, mais le bord était trop escarpé. Il dut nager jusqu'à un endroit où il était possible d'aborder. Il eut soin de soutenir Félicie d'une main, tandis qu'il nageait de l'autre bras. Il la déposa sur l'herbe, au milieu des cris des enfants, de mesdames d'Orvillet et de Saint-Luc, qui accouraient au secours de Félicie. Elle n'avait pas perdu connaissance, elle était seulement étourdie par l'eau et par la terreur. Quand elle fut remise sur pied, elle regarda autour d'elle et se jeta dans les bras du pauvre cheminot qu'elle venait de repousser si durement. Elle l'embrassa à plusieurs reprises. « Dilois, mon bon Dilois, sans vous j'étais perdue, c'est bien vous qui m'avez sauvée !» Le pauvre Dilois, heureux du service qu'il avait rendu et de la reconnaissance que lui témoignait Félicie, l'assurait qu'il n'avait fait que son devoir et la trouvait bien bonne de lui adresser des remerciements. Monsieur d'Alban et Gertrude avaient entendu le cri de Félicie, ceux des enfants et de la bonne et de Madame d'Orvillet. Ils accouraient en toute hâte et furent surpris de voir Félicie ruisselant d'eau. En quelques mots, on leur expliqua ce qui était arrivé. « Oh, Félicie !» dit Gertrude. « Quelle terreur j'ai éprouvée en entendant ton cri d'angoisse !» Et Gertrude serra les mains de Dilois dans les siennes. « Bon Dilois, de quel malheur vous nous avez préservés !» Madame d'Orvillet pleurait. À son tour, elle remercia avec émotion le sauveur de sa fille. Les enfants voulurent tous l'embrasser. Le pauvre homme était si ému qu'il ne pouvait prononcer une parole. Le général lui secoua vivement la main et, lui prenant le bras, « Viens, mon ami, viens boire un verre de vin chaud pour te remonter et changer de vêtements. Ces dames vont s'occuper de notre petite Félicie. » Dilois, « Vous êtes mille fois trop bon, monsieur le comte. Je ne mérite pas tout cela. Ce n'est pas une grande affaire que de repêcher un enfant quand on sait nager. » Le général, « Viens toujours, mon ami. Je vais envoyer un homme à cheval demander d'autres vêtements à ta femme. » Dilois, « C'est inutile, monsieur le comte. Je me sécherai bien au feu de la cuisine, si vous voulez bien le permettre. » Le général, « Ce serait trop long, mon ami. Il te faut des vêtements secs. » Dilois, avec embarras, « Mais, monsieur le comte, c'est que je n'ai pas de rechange. » Le général, surpris, « Pas de rechange? Tu n'en as pas d'autre chez toi ?» Dilois, « Non, monsieur le comte, j'ai sur mon dos tout ce que je possède. » Le général, attendri, « Pauvre homme, viens, mon ami, viens toujours, nous arrangerons cela. » Tout le monde rentra au château, pendant que Madame d'Orvillet faisait boire à Félicie une tasse de tilleul avec quelques gouttes d'arnica et qu'on en faisait prendre à tous les enfants pour les remettre de la frayeur qu'ils avaient eue, Monsieur d'Alban fit allumer un bon feu dans la cuisine, fit avaler à Dilois un grand verre de vin chaud sucré et fit apporter un de ses vêtements complet en drap gris. Il obligea Dilois, malgré sa résistance, à enlever tous ses vêtements mouillés et, après l'avoir fait frictionner avec une flanelle, il lui fit endosser une belle chemise et l'habillement complet qu'avait apporté son valet de chambre. Le tout allait parfaitement à Dilois, qui était grand et mince comme Monsieur d'Alban. Dilois se confondit en remerciements et en excuses du mal qu'on se donnait pour lui. Malgré son embarras, il ne pouvait dissimuler la joie qui éclatait sur son visage en se voyant si beau. Le général, « Là, te voilà superbe. Ce seront tes habits du dimanche. Je me charge du reste. Maintenant, viens chez moi. Nous allons parler affaires. » Dilois suivit Monsieur d'Alban, qui donna ordre à son valet de chambre de prévenir sa sœur qui l'attendait. Elle ne tarda pas à venir. Ils commencèrent leur conférence. 19. Beau projet détruit par Félicie. Le général, « Voyons, mon brave garçon, assois-toi et dis-moi quelle est la place qu'on t'a offerte. » Dilois, « C'est chez un fabricant de chaussons, monsieur le comte. On m'offre le logement, le chauffage et 2,50 francs par journée de travail. » Le général, « De combien d'heures la journée ? » Dilois, « 12 heures, monsieur le comte. » Le général, « C'est deux de trop. As-tu les dimanches et les fêtes ? » Dilois, « Ce n'est pas de droit. On peut exiger que je travaille dans les temps pressés. » Le général, Et c'est toujours temps pressé pour messieurs les fabricants. Et les enfants, les occupe-t-on ? » Dilois, « Quand ils ont 10 ans, monsieur le comte, on leur donne de l'ouvrage à 50 centimes par jour. » Le général, « Le travail est-il fatigant, difficile ? » Dilois, « Sauf qu'on est assis tout le temps du travail, ce n'est pas trop dur. » Le général, « Et les enfants, travaillent-ils dehors ? » Dilois, « Non, monsieur le comte, à l'atelier, ils ne sortent pas. » Le général, « Et ont-ils leur dimanche? Peuvent-ils aller au catéchisme, à l'école, dans la semaine ?» Dilois, « Pas quand on a besoin d'eux. » Le général, « Et on aura toujours besoin d'eux. Écoute, Dilois, plutôt que d'entrer là-dedans et y fourrer tes enfants, reste cheminot et travaille à la terre. Tu perdras tes enfants. Ils n'auront aucune religion, aucune instruction. Ils seront chétifs et malingres. Toi-même, tu y perdras ta religion, que tu ne pourras guère pratiquer. » Dilois, « J'ai déjà pensé à cela, monsieur le comte. C'est pourquoi j'ai voulu vous en parler avant d'accepter. Pour moi, le bon Dieu me donnerait la force. Mais les enfants, ces pauvres enfants dont je réponds, j'ai leur âme à garder, et dans ces maisons de fabrique, on rencontre tant de mauvais sujets que ça fait peur. Le général, surtout quand le chef est un homme sans foi ni loi. Je connais ce chef de fabrique, Monsieur Baffon. C'est un gueux qui ne croit à rien, qui ne songe qu'à gagner de l'argent. Il se moque de l'ouvrier et de sa mortalité. Lui-même mène une conduite pitoyable, et je te conseille de refuser ses offres. Diloy, c'est ce que je ferai, monsieur le comte. Ce conseil me va, et je le suivrai. Diloy se leva pour partir. Le général, attends donc, mon brave garçon, tu es bien pressé. Nous avons aussi quelque chose à te proposer. C'est ma sœur qui va t'en parler. Madame Dorvillet, vous nous avez dit hier, mon ami, que vous connaissiez l'état de jardinier. J'en cherche un. Le mien est trop vieux pour continuer son travail. Croyez-vous pouvoir le remplacer ? Diloy, je serais bien, bien heureux, ma bonne chère dame, de me trouver à votre service. Et quant à savoir l'état de jardinier, légumes, fruits, fleurs, arbres, j'en réponds. Mais je craindrais. Diloy baissa la tête et ne continua pas. Le général, quoi, mon garçon ? Que craindrais-tu ? Diloy, j'aurais peur que mademoiselle Félicie. Le général, Félicie ? Je répondais à présent. Depuis 2 jours, elle est tout autre. Diloy, tristement, elle ne m'a pas encore pardonné, monsieur le comte. Si monsieur le comte l'avait vue et entendue quand, d'après les ordres de monsieur le comte, je suis venu près d'elle à l'étang, il verrait bien que la pauvre petite a beau faire effort, elle a toujours sur le cœur mon inconvenance du mois dernier. Le général, je ne savais pas cela. Mais tu as bien vu comme elle s'est jetée dans tes bras, comme elle t'a embrassé quand tu l'as tirée de l'eau. Et cela, c'est bien de son propre mouvement. Personne ne le lui a seriné. Diloy, je sais bien, monsieur le comte, et j'en suis bien heureux et reconnaissant. Mais je crains la réflexion pour elle. Qu'est-ce que je suis ? Un pauvre paysan, comme elle dit, une brute qui l'a fortement offensée, qui l'a battue. Elle ne l'oubliera pas, allez. Le général, elle a oublié. Tout cela est resté au fond de l'eau. Tu n'es plus pour elle que son sauveur, celui de sa mère, de son frère, de sa sœur et le mien. Que veux-tu de plus ? Ce sont de brillants états de service, va. Et c'est pourquoi nous voulons, ma sœur et moi, te garder avec nous, chez nous, jusqu'à la fin de tes jours et de ceux de tes enfants. Madame Dorvillet, écoutez, mon ami, revenez nous voir demain pour terminer. Vous verrez que Félicie vous a bien sincèrement pardonné et qu'elle vous verra avec plaisir entrer chez nous. Diloy, que le bon Dieu vous entende et m'exauce, ma bonne chère dame. Ce serait le bonheur de toute ma vie et l'avenir assuré de ma brave femme et de nos chers enfants. Il faut donc que je revienne demain. Madame Dorvillet, oui, certainement, demain à midi. Vous déjeunerez au château, je vous ferai voir vos futurs logements et nous prendrons nos derniers arrangements. Diloy, convaincu enfin par les paroles si positives de Madame Dorvillet, laissa éclater sa joie autant que lui permettait son respect pour ses futurs maîtres. Peu s'en fallut qu'il ne se jetât au cou de Monsieur d'Alban et qu'il ne baisât les mains de Madame Dorvillet. Il sortit pourtant d'un pas modéré, mais quand il fut hors du château, Monsieur d'Alban et sa sœur, qui se trouvaient près de la fenêtre, le virent bondir et courir comme un cerf pour arriver plus tôt près de sa femme et lui faire part de ses espérances. Il n'osait encore lui dire que c'était une affaire conclue, mais il le croyait et il en était comme fou de joie. « J'irai brûler un cierge à Notre-Dame de Bonne-Espérance, » dit-il à sa femme, « et demain, avant d'aller conclure, j'irai faire une petite prière à l'église. » La femme, « Et au bon Saint-Gilles et à la bonne Sainte-Suzanne, » Diloy, « et je demanderai à monsieur le curé un évangile qu'il dira sur ta tête. » Pendant que Monsieur d'Alban et Madame Dorvillet payaient leurs dettes de reconnaissance en assurant l'avenir et le bonheur du brave Diloy, les enfants causaient tous de l'aventure de Félicie. Laurent, je voudrais bien que maman gardât chez nous ce bon Diloy. Il serait si content. Félicie, vivement, je ne crois pas qu'il en ait envie. Il aimera bien mieux qu'on lui donne de l'argent. Laurent, et toi, Gertrude, qu'est-ce que tu crois ? Gertrude, je ne sais pas du tout ce que je dois croire, puisque je ne connais pas Diloy. Laurent, ne trouves-tu pas qu'il a l'air très bon et qu'il nous aime beaucoup ? Gertrude, je trouve en effet qu'il a l'air de vous être très dévoué et très attaché, ce qu'il a fait le prouve bien du reste. Laurent, tu vois Félicie ? Félicie, cela ne prouve pas qu'il ait envie de rester chez nous. Je crois qu'il trouve plus agréable de rester chez Minot. Laurent, nous verrons cela, je le lui demanderai. Félicie, je te prie, Laurent, de ne pas lui en parler. Laurent, pourquoi ça ? Nous saurons alors ce qu'il aime mieux. Félicie, cela engagerait maman à le prendre, avec cela que mon oncle l'aime beaucoup. Laurent, et toi, tu ne l'aimes pas. Ce pauvre homme, il t'a sauvé 2 fois. Anne, pourquoi ne l'aimes-tu pas ? Il est si bon. Et pourquoi l'as-tu embrassé si tu ne l'aimes pas ? Félicie, rougissant, Je l'ai fait sans y penser, parce que j'avais eu très peur. C'est une bêtise que j'ai faite. Gertrude. Oh non, ma bonne Félicie, ce n'est pas une bêtise. C'est un bon mouvement de ton cœur, et tu as très bien fait de t'y laisser aller. Félicie. Tu ne trouves pas ridicule que j'aie embrassé un pauvre cheminot ? Gertrude. Bien au contraire. Tu lui dois trop, pour ne pas le traiter avec amitié, et j'ai vu que tout le monde t'approuvait. Félicie. Tu crois qu'on ne se moquera pas de moi ? Gertrude. Se moquer de toi, dans un pareil moment ? Personne ne peut avoir un assez mauvais cœur pour rire d'une action belle et touchante. Félicie commençait à être ébranlée. Elle avait confiance en Gertrude, elle éprouvait même de l'amitié pour cette aimable cousine. Elles continuèrent leur conversation, qui fut interrompue par M. d'Alban. Le général. Ma petite Félicie, ta maman te demande. Elle t'attend dans ma chambre. Félicie. Viens-tu, Gertrude ? Gertrude. Ma tante a peut-être quelque chose de particulier à te dire. Je craindrais de vous gêner. Le général. Rien que tu ne puisses entendre, ma bonne fille. Je crois même qu'elle saura bien aise que tu viennes avec Félicie. Gertrude. Dans ce cas, je serai très contente de faire une visite à ma tante et à vous, mon bon oncle, ajouta-t-elle en l'embrassant. Ils trouvèrent Madame d'Orvillet seule. Madame de Saint-Luc était encore dans sa chambre. Madame d'Orvillet. Ah, te voilà avec Félicie, ma bonne Gertrude. Je suis bien aise que tu assistes à notre conseil, car nous allons traiter une question très importante. Viens m'embrasser, ma petite Félicie. Je suis bien contente de toi. Tu as montré du cœur, et je ne doute pas que tu sois contente de l'idée dont je veux te parler. Félicie, riant. À moi, maman, vous allez me demander conseil ? Madame d'Orvillet, souriant. Certainement, et je me soumettrai à ta décision. Mon idée dépend donc de toi. Tu sais les services énormes que nous a rendus Dillois. L'aversion que tu avais pour lui a disparu entièrement, je pense, devant son dévouement et l'affection qu'il paraît avoir pour toi. Tu souris et tu doutes, mais tu aurais tort de ne pas y croire. Aujourd'hui encore, il t'en a donné une bonne preuve. Ton oncle et moi, nous voulons lui en témoigner notre reconnaissance, et nous avons pensé à le garder ici comme jardinier. Seulement, comme je ne veux pas t'imposer une chose qui pourrait être pénible, tu sais pourquoi, je veux que tu me dises franchement si ce projet te plaît ou te déplaît. Félicie garda le silence et resta immobile et les yeux baissés. Madame d'Orvillet. « Eh bien, mon enfant, quelle est ton impression ? » Félicie. « Je ne sais pas, maman, je ne peux pas dire. » Madame d'Orvillet. « Comment ? Tu ne sais pas s'il te serait agréable ou désagréable de voir Dillois établi chez nous comme jardinier ? » Félicie, hésitant et très bas. « Si, maman, je sais que cela me serait très désagréable. » Madame d'Orvillet. « Je n'entends pas bien. » Tu dis agréable, n'est-ce pas ? Félicie. Non, maman, très désagréable. Madame d'Orvillet, tristement. Alors, ma pauvre fille, la question est décidée. Je le regrette pour toi, qui te montre ingrate, et pour lui, qui eût été si heureux. Mais je ne t'en veux pas. Ton cœur n'est pas encore ce que j'espérais. Cela viendra, je pense. En attendant, nous allons chercher une autre position pour Dillois. Va, mon enfant, va t'amuser avec ta cousine. Félicie sortit avec Gertrude. 20. Félicie raccommode ce qu'elle a brisé. Gertrude, pourquoi as-tu dit cela, ma tante Félicie ? Et si tu avais réfléchi avant de donner ta réponse, tu aurais parlé tout autrement. Toi-même, quand tu as été sauvée par ce pauvre homme, tu as été très juste, très bonne, très naturelle. Ma tante devait penser que tu serais la première à te réjouir de son charitable projet, et voilà que tu le rejettes, presque avec dureté. Félicie, tu ne me blâmerais pas si tu savais ce qui s'est passé. Gertrude. Je n'ai pas besoin de connaître le passé pour savoir qu'il t'a sauvé la vie, que tu dois en être reconnaissante, et que ma tante et mon oncle sont très peinés de ton refus. Félicie, écoute, Gertrude, j'ai en toi une grande confiance, et je vais te confier ce qui ne doit être su de personne. C'est un grand secret. Promets-moi de ne pas en parler. Maman et mon oncle le savent, mais personne d'autre. Gertrude, je te le promets bien volontiers, ma bonne Félicie. Sois tranquille, ce ne sera pas moi qui trahirai ta confiance, dont je suis très fière. Félicie lui raconta tout ce qui s'était passé entre elle et le cheminot et l'aversion très prononcée qu'elle lui avait témoignée depuis. Félicie, j'espérais ne jamais revoir cet homme. Je le rencontre partout. Je ne voulais lui rien devoir, et voilà qu'il me rend deux très grands services. Ce matin, j'ai été touchée de son dévouement. Je me suis repentie de l'avoir si maltraité. J'ai voulu tout réparer. Mais les premiers moments passés, j'étais honteuse de m'être jetée dans ses bras, de l'avoir embrassée devant tout le monde. Quand maman m'a parlé, j'ai pensé qu'une fois établi dans la maison, il me traiterait avec familiarité, qu'il me reparlerait du passé, qu'il m'humilierait sans cesse. Ne le crois-tu pas? Et ne trouves-tu pas maintenant que tu sais tout, que j'ai raison? Gertrude, ma pauvre Félicie, ton aventure avec ce cheminot est très désagréable, mais pas autant que tu le crois. D'abord, il était ivre, il était dans son tort. Ensuite, étant ivre, il a abusé de sa force pour battre un enfant, second tort. Félicie triomphait et sentait augmenter son amitié pour Gertrude. Celle-ci continua. Il l'a si bien senti quand son ivresse a été passée qu'il n'en a parlé à personne, qu'il s'est cru obligé en conscience de venir faire des excuses à ceux qu'il croyait avoir offensés. Il était honteux de son emportement. Il cherchait à réparer sa faute. Et c'est pourquoi il s'est si bravement conduit dans l'attaque de l'ours. Tout cela prouve que c'est un honnête homme, un brave homme, qui se croit plus coupable qu'il ne l'est réellement. Il est honteux de ce qu'il a fait, et tu penses bien qu'il cherche et qu'il cherchera à le faire oublier. Il n'en parlera jamais, parce qu'il craindra de se faire du tort et de te faire du tort. Il s'est attaché à toi parce que c'est toi qui as eu à te plaindre de lui. Il est reconnaissant de ton pardon, qu'il a tant désiré d'obtenir, parce qu'il a senti combien tu devais faire d'efforts pour l'accorder. Si tu acceptes l'idée de ma tante, il te sera de plus en plus dévoué et reconnaissant. Au total, je crois que ce pauvre cheminot est un excellent homme et qu'il sera un excellent serviteur. Et si j'étais toi, je dirais à ma tante de le prendre bien vite pour jardinier. Il est évident qu'elle le désire, ainsi que mon oncle. Félicie, mais à présent que j'ai dit non, je ne peux plus dire oui. Gertrude, pourquoi pas? Tu as dû répondre sans avoir 5 minutes pour réfléchir. À présent que tu as réfléchi, tu réponds sagement, après avoir vu ce qu'il y avait de mieux à faire. Félicie, si tu savais combien il m'en coûte de faire un si grand effort pour un homme qui est tellement au-dessous de moi et qui ne me sera d'aucune utilité. Gertrude réprima le sentiment de mécontentement que lui donnait cette réponse orgueilleuse et égoïste de Félicie, et reprit doucement. Je crois, ma pauvre Félicie, que là encore tu te trompes. Ce brave homme n'est pas au-dessous de toi, car il a des sentiments excellents et généreux. Il est modeste, il est honnête, il est bon, reconnaissant. Ce n'est pas parce qu'il est ouvrier qu'il est moins que nous. Rappelle-toi que notre Seigneur a été ouvrier, un pauvre charpentier, que presque tous les saints apôtres étaient de pauvres gens. Et quant à ce que tu dis qu'il ne te sera jamais utile, vois s'il t'a été inutile aujourd'hui et le jour du combat de l'ours. Félicie, c'est vrai ce que tu dis là, mais je ne suis pas encore décidée. J'attendrai. Gertrude ne voulut pas trop la pousser à changer sa réponse à sa mère. Elle l'embrassa et lui dit « C'est ça, réfléchis bien. Avant de te décider, veux-tu venir avec moi à la messe demain matin? Nous prierons ensemble le bon Dieu de t'indiquer ce que tu dois faire, et tu diras ensuite à ma tante ce que tu auras décidé. » Félicie, flattée d'être traitée par Gertrude comme son égale d'âge et de raison, accepta avec empressement l'offre de sa cousine, qu'elle aimait de plus en plus. Elle lui reparla plus d'une fois dans la journée de son affaire, comme elle l'appelait. Gertrude l'écouta toujours avec douceur et lui parla avec amitié. Ses conseils, pleins de raison, firent quelque impression sur Félicie. Pendant que les deux cousines causaient, M. d'Alban marchait à grands pas dans sa chambre. « Cette petite fille est une péronnelle, une petite sotte » dit-il enfin. « Tu es trop bonne pour elle, Hélène. Tu n'aurais pas dû la consulter. » Tu aurais dû faire la chose comme tu l'entends, et ne pas sacrifier ce pauvre Dillois au sot orgueil de cette petite fille sans cœur. Madame Dorvillet, j'aurais peut-être mieux fait, Albert, mais le pauvre Dillois en eût souffert tout le premier. J'espère que Félicie changera d'avis. Le général, je n'espère rien du tout, à moins que ma bonne petite Gertrude ne parvienne à lui donner un peu de son cœur et de sa raison. Diable de petite fille! Il y a 2 heures à peine qu'elle se jette à notre Barbatous dans les bras de cet homme, qu'elle l'embrasse comme du pain, et puis elle vous reprend ses airs de pimbèche, de princesse offensée, et vlan, elle vous lance un nom bien conditionné. Et tout cela parce que tu as la niaiserie de la consulter. Madame Dorvillet souriant. Mon pauvre ami, tu as raison. Mais songe au caractère de Félicie. Tu oublies son aventure avec Dillois, et combien elle en a été humiliée. Le général. Je n'oublie rien du tout, et je suis bien sûr que Gertrude aurait agi tout différemment. Madame Dorvillet, je le crois comme toi, mon ami. Mais Gertrude a presque 3 ans de plus, et... Le général, et un caractère d'ange, un cœur d'or, un esprit, une intelligence admirable. Madame Dorvillet, tristement, c'est précisément pour cela qu'il ne faut pas la comparer à ma pauvre Félicie, qui n'a rien de tout cela. Le général s'arrêta, regarda sa sœur et, voyant des larmes prêtes à s'échapper de ses yeux, il s'assit près d'elle, l'embrassa tendrement et dit « Le général, pardonne-moi, ma bonne Hélène, Je t'ai chagrinée, je t'ai parlé durement, toi si douce et si bonne. C'est que je suis d'une colère contre cette petite sotte. Elle nous empêche de nous attacher à tout jamais ce brave Dilois, de lui témoigner notre reconnaissance, de faire son bonheur. Ce pauvre garçon va-t-il être désappointé, lui aussi ? Madame d'Orvillet, cher Albert, ne te décourage pas trop. Peut-être que Gertrude fera changer d'avis à Félicie. Elles vont en parler, c'est bien sûr. Gertrude a déjà quelque influence sur ma pauvre fille. Espérons encore. Le général, je ne demande qu'à espérer, ma bonne amie. Mais, comme je n'espère guère, voyons un peu en attendant ce que nous pourrions faire pour Dilois. Le frère et la sœur continuèrent à causer, mais plus tranquillement. Ils firent plusieurs projets, mais aucun ne remplissait leur but, comme celui qu'avait rejeté Félicie. À chaque projet manqué, le général reprenait sa colère, que Madame d'Orvillet parvenait toujours à dissiper. Un petit coup fut légèrement frappé à la porte. « Entrez !» dit le général, d'une voix terrible, car il était dans un mauvais moment. « C'est toi, mon enfant ? » dit-il d'une voix radoucie, en voyant apparaître la bonne et douce figure de Gertrude. « Entre, entre, entre ! N'aie pas peur !» Gertrude. « Je venais vous donner une bonne nouvelle, mon oncle et ma tante. J'espère que je suis presque sûre que demain Félicie vous donnera une réponse toute différente de celle qui vous a tant peinée il y a une heure. » Madame d'Orvillet l'embrassa et la fit asseoir entre elle et son frère. Gertrude leur raconta sa conversation avec Félicie et leur projet de messe pour le lendemain. Le général enchanté l'embrassa si fort que ses joues en furent toutes rouges. « Le général, tu es la meilleure fille que j'ai jamais vue, ma chère petite Gertrude. Demain, complète ton ouvrage. » « Gertrude, le bon Dieu l'achèvera, mon oncle. » « Madame d'Orvillet, merci, mon enfant. Tu nous as rendu un bien grand service, sans compter Dilois, au bonheur duquel tu auras contribué. » « Je suis heureuse d'avoir pu vous être agréable, ma bonne tante, ainsi qu'à mon oncle, que j'aime beaucoup. »« Et qui t'aime joliment, ma chère petite Gertrude. »